Pierre, rendant visite à un vieil ami polonais, pharmacien de son état, lui annonce la nouvelle de l'héritage de son frère. Et il s'étonne de la réflexion plusieurs fois répétée du pharmacien. Ça ne fera pas bon effet. Faute d'argent, pour louer l'appartement qui lui servirait de cabinet médical, il renonce à se faire prêter de l'argent par son frère. Il se mit à songer aux femmes. Il les connaissait très peu, n'ayant eu au quartier latin que des liaisons de quinzaine. Sa mère n'avait-elle pas été la raison et le charme du foyer paternel? Comme il aurait voulu connaître une femme, une vraie femme. Il se releva tout à coup avec la résolution d'aller faire une petite visite à Madame Rosemilly. Puis il se rassit brusquement. Elle lui déplaisait, celle-là. Pourquoi? Elle avait trop de bon sens vulgaire et bas. Et puis, ne semblait-elle pas lui préférer Jean? Et le souvenir lui vint d'une petite bonne de brasserie ramenée un soir chez elle et revue de temps en temps. Dès qu'elle l'aperçut, la fille se leva vivement et venant à lui. « Bonjour, comment allez-vous? Pas mal, et toi? Moi, très bien. Comme vous êtes rare. Oui, j'ai très peu de temps à moi. Tu sais que je suis médecin. Tiens, vous ne me l'aviez pas dit. Si j'avais su, j'ai été souffrante la semaine dernière, je vous aurais consulté. Qu'est-ce que vous prenez? Un boc, et toi? Moi, un boc aussi, puisque tu me le paies. » Elle continua à le tutoyer, comme si l'offre de cette consommation en avait été la permission tacite. Alors, assis face à face, ils causèrent. De temps en temps, elle lui prenait la main, avec cette familiarité facile des filles dont la caresse est à vendre, et, le regardant, avec des yeux engageants, elle lui disait « Pourquoi ne viens-tu pas plus souvent? Tu me plais beaucoup, mon chéri. » Mais déjà, il se dégoûtait d'elle, la voyait bête, commune, sentant le peuple. « Les femmes, se disait-il, doivent nous apparaître dans un rêve ou dans une auréole de luxe qui poétise la vulgarité. » Elle lui demandait « Tu passais l'autre matin avec un beau blond à grande barbe. Est-ce ton frère ?»« Oui, c'est mon frère. Il est rudement joli garçon. Tu trouves ?»« Mais oui, et puis, il a l'air d'un bon vivant. » »« Il a joliment de la chance, mon frère. Il vient d'hériter de 20 000 francs de rente. » Elle ouvrit tout grand ses yeux bleus et cupides. « Oh, et qui est-ce qui lui a laissé cela? Sa grand-mère ou bien sa tante ?»« Non, un vieil ami de mes parents. » »« Rien qu'un ami? Pas possible. Il ne t'a rien laissé à toi ?»« Non, moi je le connaissais très peu. » Elle réfléchit quelques instants, puis avec un sourire drôle sur les lèvres. « Eh bien, il a de la chance, ton frère, d'avoir des amis de cette espèce-là. Vrai, ça n'est pas étonnant qu'il te ressemble si peu. » Il eut envie de la gifler, sans savoir au juste pourquoi, et il demanda, la bouche crispée, « Qu'est-ce que tu entends par là ?» Elle avait pris un air bête et naïf. « Moi, rien. Je veux dire qu'il a plus de chance que toi. » Il jeta 20 sous sur la table et sortit. Maintenant, il se répétait cette phrase. « Ça n'est pas étonnant qu'il te ressemble si peu. » Qu'avait-elle pensé? Qu'avait-elle sous-entendu dans ces mots? Certes, il y avait là une malice, une méchanceté, une infamie. Oui, cette fille avait dû croire que Jean était le fils de maréchal. L'émotion qu'il ressentit à l'idée de ce soupçon jeté sur sa mère fut si violente qu'il s'arrêta et qu'il chercha de l'œil un endroit pour s'asseoir. Un autre café se trouvait en face de lui. Il y entra, prit une chaise et comme le garçon se présentait, « Un boc !» dit-il. Il sentait battre son cœur. Des frissons lui couraient sur la peau. Et tout à coup, le souvenir lui vint de ce qu'avait dit le pharmacien la veille. « Ça ne fera pas bon effet. » Avait-il eu la même pensée, le même soupçon que cette drôlesse?